C'est quoi ce bordel? Regarde la pochette de notre album, tu trouveras un drôle de bonhomme. Tu te demandes ce qu'il a foutu, il est négatif de la tête au cul. Il est tout noir, il est tout blanc, il est bizarre et il est très grand. Alors nous, on lui a dit, tu seras sur notre pochette. C'est un grand blague, c'est un grand blague, c'est un grand blague, c'est un grand blague. Fais tout albinos. Il a des sauts sur ses deux seins et des lunettes qui ressemblent à rien. Il louche à bloc, il rit bêtement. Les gens se moquent injustement. Alors soyez cool, aidez cet homme, envoyez-nous des sous. Mais faites le chèque à l'espadrille, on s'occupera de tout. C'est un grand blague.